À l'occasion de la journée de la brillante étoile, jour de naissance du général Kim Jong-il, il y a eu des symposiums sur ses exploits au Koweït, au Bangladesh, en Indonésie et en Allemagne. Et on prépare les personnalités de divers milieux et habitants des pays hôtes. Lors des symposiums, les orateurs ont affirmé que Son Excellence Kim Jong-il s'éternise dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste pour ses grands exploits accomplis pour le développement indépendant de la Corée et l'émancipation du monde. D'autre part, Listy Anton, secrétaire général du conseil directeur central du Parti des pionniers de l'Indonésie, a lancé une communication en l'honneur des immortels exploits du général Kim Jong-il, qui a consacré toute sa vie pour la patrie et le peuple.